Juste une précision, Bruno. Qui peut demander l'ouverture d'une enquête parlementaire ? Alors, il y a une commission de suivi des lois, qui n'est évidemment pas la même chose qu'une enquête parlementaire. Que fait cette commission de suivi des lois ? Eh bien, elle regarde les conditions d'application, mais elle ne va pas diligenter une enquête. Le problème, je pense, en l'occurrence, c'est que Mme Gillot a déjà fait pour le PS le maximum qu'elle pouvait faire en gardant la fidélité à son parti. C'est-à-dire qu'elle est intervenue à de multiples fois pour que ça soit respecté et que ça ne l'est pas. Et je pense qu'elle est au bout de ce qu'elle pouvait faire. Donc les seuls appuis sont maintenant les sénatrices écologistes pour aller porter ça. Est-ce qu'elles en ont la volonté politique ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il existe une structure au Sénat de suivi des lois qui est avant l'enquête parlementaire. Après, c'est les parlementaires, mais les parlementaires, les citoyens ont le droit d'aller rencontrer leurs parlementaires, de leur demander un rendez-vous, d'aller s'asseoir, d'expliquer la situation. Mais il faut prendre conscience que ce niveau de... Enfin, c'est aberrant, je reprends mon point de début, c'est aberrant d'avoir laissé passer cet amendement, si on y pense. Si vraiment il s'agissait de ça, eh bien, ils avaient les moyens. Ils laissaient le Sénat faire ce qu'il voulait. Ils passaient par-dessus à l'Assemblée nationale. Au moins, c'était clair. Mais enfin, l'état de droit, c'est quand même... une fois qu'on y est... Alors, il y a des avancées, parce qu'il y a du rétropédalage permanent. Donc, avant-hier, je vous donne l'avancée d'avant-hier. Madame Fioraso, à Lyon, a déclaré à CPU Innove deux choses qui ont été reprises par AEF. Un... Il n'y a pas de mère fouettard au ministère. Fermez la citation. Deuxièmement, nous accueillerons avec bienveillance toutes les formes de regroupement avec la plus grande souplesse. Donc, est-ce que ça signifie oui, nous reconnaissons la possibilité d'un regroupement de forme confédérale égalitaire entre les établissements ? Je ne crois pas. Pas encore. Mais on y vient. C'est-à-dire que, quand même, il y a eu un rappel à l'ordre de Mme Bonafous qui était faite gentiment, sans la mettre en cause, sans appeler à sa démission. Mais on y vient. Je suis surpris que vous ayez insisté beaucoup sur la phrase qui est surlignée, là, ouais. et pas sur le paragraphe suivant. Parce qu'il me semble que le paragraphe suivant donne la réponse à votre question de l'hésitation entre... un établissement unique ou un établissement parmi d'autres. La phrase suivante dit « La coordination territoriale est organisée par un seul établissement. » Absolument. Donc c'est un établissement unique, ce n'est pas un établissement, établissement parmi d'autres, un seul. Un seul établissement qui, apporte la qui porte la coordination, sauf en Ile-de-France. Hein, sauf en Ile-de-France. Sauf en Ile-de-France. Donc ça, oui, absolument. Donc c'est pour ça que... La loi dit un seul. Non, mais elle ne dit pas chef de file. Elle ne dit pas chef de file. Donc, je reprends le raisonnement. Abandonnons l'expression. Mais non, elle est centrale. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la coordination ? C'est exactement ça, la question. Eh bien, dans l'association, la coordination est définie par la Convention. Qu'est-ce qu'on appelle assurer la coordination territoriale ? C'est une chose qui est quand même très, très simple. Si on va... C'est écrit plus haut, absolument, mais même si on veut mettre les mots, il s'agit essentiellement de dédoublonner les masters. Oui. Est-ce que ça donne une quelconque prérogative, un droit de décision à un établissement particulier dans l'association ? Eh bien, la réponse est non, puisque le détail dit très précisément que ce coordinateur, qui est bien unique, eh bien, il n'est pas le porteur du contrat pluriannuel. Ah non ! Je vais vous le montrer. Le contrat pluriannuel est passé avec les établissements. L'exemple des établissements de Vaxé démontre, je peux vous chercher, mais il me reste 6 minutes exactement avant de vous quitter, la signature des établissements de Vaxé qui vous montre que l'ensemble des signatures des présidents est porté sur le contrat pluriannuel. C'est donc un mensonge grossier de dire qu'il y a un établissement qui signe. Non, l'ensemble des établissements signe. Donc, pardon, excusez-moi, je vais finir là-dessus. Un établissement qui coordonne. Qui coordonne. Et oui. Coordonner, ça veut dire convoquer. Un primus inter pares. Ça veut dire assurer la coordination. Eh bien, il y a plusieurs manières de penser la coordination. Il y a une manière autoritaire et il y a une manière qui est celui qui convoque les réunions dans lesquelles on se met d'accord sur un sujet. Et donc, quel est son pouvoir au coordinateur unique, qui ne nous concerne pas, hein, on est en Île-de-France, mais on discute de manière générale. Oui, mais plusieurs, ça ne signifie, c'est plusieurs, portent une seule et même coordination, celle du territoire qui est définie comme académique ou supra-académique. Alors, je vais vous montrer sur un territoire donné qui peut être académique ou interacadémique. Le territoire est donc défini. Un territoire donné qui peut être académique ou interacadémique. Ça n'est donc pas un site. La coordination, elle doit être soit de Paris, soit de l'Île-de-France. Il y a plusieurs établissements qui peuvent faire ça. Si vous considérez maintenant que le territoire, c'est le site et qu'il s'agit de coordonner le site, alors le texte de la loi dit plusieurs établissements peuvent coordonner le site. Les deux me vont très bien. Vous choisissez celle que vous voulez. Soit il s'agit de coordonner l'Île-de-France et les communes ne coordonnent pas l'Île-de-France puisqu'il n'y a aucune coordination entre elles dans les statuts version 0, version 1, version 2. Soit le territoire, ils se sont trompés, le territoire, c'est le site et plusieurs établissements peuvent coordonner. À ce moment-là, il n'y en a pas un. Voilà. Donc maintenant, je prends le reste du monde hors de l'Île-de-France. Hors de l'Île-de-France, eh bien, quelles sont les prérogatives? Est-ce qu'ils portent le contrat de site? Eh bien non, c'est avec l'ensemble des établissements. Les établissements de Vaxé le prouvent. Est-ce qu'ils signent le contrat de site? Non. Les établissements de Vaxé, dans les établissements de Vaxé, les contrats pluriannuels ont été cités par l'ensemble des établissements. Et c'est bien cohérent avec la loi. Est-ce qu'il a un pouvoir de décision? On se rapporte au détail. Non, la coordination est définie par la convention d'association. Bien sûr, cette convention peut dire, oui, tel établissement va être notre coordinateur, on va lui donner le droit d'écrire le volet commun du contrat pluriannuel. Mais on peut aussi faire un choix différent qui consiste, comme le prévoyait Madame Gillot dans le bout qui n'a pas été retenu, que chaque établissement, chaque CA des établissements vote le contrat pluriannuel, le volet commun du contrat pluriannuel, dans les mêmes termes. À ce moment-là, l'instance de coordination, vous pouvez en imaginer, eh bien, des très différentes. Là, il y a un projet politique intéressant pour savoir quelle va être l'instance de coordination. Est-ce qu'elle va exister? Est-ce qu'elle va consister à mettre dans les mêmes pièces les VPCA chargés des relations internationales pour qu'ils s'entendent, pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans les relations internationales? Est-ce qu'elle va consister à presque un CA de l'association qui n'aurait pas de prérogatives décisionnaires? Ça, c'est laissé au libre choix des gens qui conçoivent la convention d'association. Mais en aucun cas, il n'y a quelque chose qui ressemble à un chef de file, encore moins décisionnaire, encore moins signataire du contrat de site, encore moins négociateur, encore moins interlocuteur unique et privilégié du ministère. Tout ça est totalement fantaisiste. Est-ce qu'il y a une dernière question à Bruno Androutti, avocat ? Oui, tu as donné cette anecdote du blog d'Isabelle Attard concernant cette réunion avec Élysée, avec Mirandol. Je l'ai cherché sur le blog d'Isabelle Attard, qui n'est pas facile à scroller. Comment trouver cette anecdote précise? Il y a une date, il y a un mot-clé? Je t'enverrai, je crois que c'est sur la première page de la création du blog, donc c'est dans le premier texte qui a été posté. Donc elle a écrit ça non pas pour aider l'association, elle l'a écrit pour dénoncer le fait que M. Hollande et son entourage décidaient de tout dans ce pays. C'était ça qu'elle voulait dénoncer, mais son exemple précis, il se trouve que c'était... Non, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et ça mériterait qu'on le bascule sur certains sites. Donc, je vais te le retrouver. Oui, eh bien, nous allons terminer ce forum. Je pense que chacun va être d'accord sur le fait qu'il est urgent d'attendre, hein, et qu'il nous faut soutenir vigoureusement l'idée d'un moratoire pour une durée de 1 an, qui nous permettra de faire la lumière sur l'interprétation des textes et sur ce que nous devons faire ou ne pas faire